Ce qui arrive, on parlait des jeunes, on parlait des vieux, les entre-deux. Les armes. Bon. Ceux qui sont en sandwich, ceux qui sont entre deux et qui sont soumis à la conscientisation peuvent encore réaliser des choses et souffrir moins parce que déjà, ils sont sur le point de se stabiliser. Ils sont sur le point de se mettre en cordeau. Ils sont sur le point de se mettre en cordeau. Le jeune ne peut pas se mettre en cordeau. Il n'y a pas de moyen. Tu n'as pas une scène, tu ne peux pas t'acheter une maison, t'acheter une bourgogne. Quand tu es rendu à 30-35 ans, là, tu peux te mettre en cordeau. Tu as une bonne job. Tu es en fleur de l'âge, la force de l'âge. Ton boss dit, Jean-Paul, tu peux monter jusqu'à la présidence de la compagnie. Là, j'en vois des coiffes. Là, il s'en va. Puis quand t'es vieux, mais tu l'as encore d'autres. Mais que tu sois jeune ou en sandwich ou vieux, tu peux toujours changer de plan. Les moyens sont différents. L'âme va s'y prendre différemment parce qu'elle prend en considération l'évident. Parce qu'il est en haut et en bas. Mais c'est plus facile. C'est plus facile quand t'es jeune. C'est moins facile quand t'es en sandwich. C'est plus dur. L'autre avait une veste. C'est difficile pour nous autres tant qu'on n'est pas dans cette conscience, tant qu'on n'a pas cette intelligence qui est au-delà de l'intellect, tant qu'on n'a pas des liens assez forts pour suivre soi-même. Pour ça, là, il y a un point que je veux faire, tu vois. En parlant du fameux contact. Tu sais, je parle du contact depuis des mois de temps. C'est évident que quand t'es en union vibratoire avec eux autres, en haut, tu peux parler avec eux autres un petit peu. Ça, c'est normal. Mais c'est pas dans le dialogue avec eux autres qu'on apprend à faire ce qu'on a à faire. C'est dans la vibration. Autrement dit, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais en machine. Quand je suis allé, quand tu m'as envoyé dans la rue, là, j'ai pas, il vous a pas géré là-bas. Pas de mal. Pas des États-Unis jusque dans la rue de Mexico. J'arrive au bout, là, j'avais encore le teint de gaz, j'avais plus d'argent. J'étais arrivé juste. Là, c'est eux autres qui renaissent. Prends sur le clou, prends sur le clou, prends sur le clou, prends tout. Là, tu es gelé, regarde, tu es dans une neige. Mais quand tu vis une vie normale, là, où ils ne travaillent plus de la même façon, à ce moment-là, ils ne vont pas te dire, mais quand tu vas à Québec, tu prends sur le clou, prends sur le clou, prends sur le clou, ça sera trop facile. Ça sera trop facile. Ils vont faire travailler une map, ils vont faire demander un gars. Si t'es la seule, c'est très différent. Si je suis la seule, si je t'avais visé, à ce moment-là, c'est, ils vont exister ses nerfs. Prends tout là, 10 000 plus loin, tu reviens, encore. Ça t'amène au point, arrête. Puis comme je peux pas me permettre d'imposer ma. Parce que ça serait l'initiation, je pense que je peux pas me permettre d'imposer ma patience à ce moment-là. On prend une map, on allait dans les garages, pas le manque. Fait que c'est là, tu peux le dire, c'est comme arrivé en Chine. Mais, quand on se conscientise, mais quand on se conscientise, il ne s'agit pas de dire, bon, ben, comment est-ce qu'il va te prendre là? Puis s'ils vont dire, fais le mouvement, ou ils ne parleront pas pendant tout. Fait que tout le monde allait, c'est une vibration. Mais le point que je fais qui est extrêmement nuancé, c'est que, plus on se conscientise, plus on ne se casse pas la tête avec ce qu'on fait. Ça, c'est un grand. Ça, c'est un grand signe de notre conscientisation. Quand... C'est bien difficile. On se conscientise, ça arrête par là, puis ça va par là, puis vous allez être au garage, ça va par là, puis c'est là. T'en arrives à pas mettre ton intellect là-dedans. Tu mets pas ton intellect là. Où est-ce que tu mets ton intellect là-dedans, là, c'est chez lui. Tu as de l'art, comprends-tu? Tu vas t'en par là, puis c'est par là, faut que tu t'en ailles. Tu vas au pif, tu vas, si faut que tu t'es fatigué, il faut que tu arrêtes au garage, puis tu arrêtes au garage. Bon, mais c'est la même chose qu'il faut qu'on transpose dans notre vie de tous les jours. La seule chose, c'est qu'avec le temps, on vient à un point où on ne se questionne plus. Ça, c'est bien important d'aller arriver à un point où on ne se questionne plus. On fait le mouvement, même s'il y a une perte d'énergie apparente, ça développe une résistance dans notre corps mental. On devient extrêmement neutre, neutre, neutre, neutre. Puis ça, apparemment, il dit au stade où vous êtes, c'est bien important de devenir neutre, neutre, neutre, neutre. Pas mettre votre intellect dans leurs affaires. C'est. C'est mettez pas votre intérêt. Qui est à pas leur parler? Quand ça ne parle pas, ça va fermer. Non. Non. D'ailleurs, quand vous ne leur parlez pas, c'est eux autres qui coupent le courant. Ça apparaît comme si c'est vous autres qui ne leur parlez pas. Et c'est tellement subtil cette vibration-là que c'est avec le temps qu'on peut parler. D'abord, ce qui est en haut est en haut. Plus vous grandissez, plus vous devenez un avec l'autre, plus vous devenez un, plus vous devenez un. Éventuellement, tu es un, parce que ce que tu fais, c'est ça, c'est fini. Mais quand c'est de même, est-ce que tu fais, tu n'es pas sûr, là, tu veux leur parler, puis tu en vas moins pas sûr. Plus pas sûr. Hein? Éventuellement, là, quand ça vient, quand tu arrives, tu rentres dans ta vie. Quand il vient un point, là, comme là, je m'ai élevé. Pour aucune raison, même, au niveau de mon intellect, je m'ai élevé. Éventuellement, ça en arrive comme ça. Tous tes mouvements, c'est automatique. Pas d'intérêt. Y en a-tu qui comprennent ça? Oui. C'est pas d'intérêt. C'est là, là que tu raffines ton corps mental. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu fonctionnes de même, et que là, t'es un bon intérêt. Puis ils font des interférences constamment, puis dans le fond, puis dans le fond, puis dans le fond. Mais ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, tu deviens de plus en plus sensible à ta vibration. Puis éventuellement, tu deviens de plus en plus intelligent dans ta vibration. Puis tu deviens intelligent dans ta vibration quand tu réalises que ta vibration, c'est ça, puis c'est final. Tu perds l'intelligence de ta vibration quand tu l'analyses. Tu perds l'intelligence de ta vibration quand tu analyses ton mouvement, quand tu analyses ce que tu as fait. Exemple, tu es un enfant, la vibration quand tu es fâché, tu donnes ta petite fesse, là, là tu commences à rationaliser. Tu viens de détruire l'intelligence de ton mouvement. Si elle donne ta petite fesse, c'est final. Tu restes dans l'intelligence de ton mouvement. L'intelligence du mouvement, c'est toujours vibratoire, c'est jamais télépathique. Ben ça, c'est toujours vibratoire, c'est pas télépathique. Ils peuvent vous dire après, oh ben, il fallait que tu en donnes un choc. Elle avait besoin de ça. Après, ils vont pas vous le dire sur le spot. C'est une perte d'énergie. L'énergie descend pas.

Fait qu'automatiquement, vous vivez à l'intérieur de ce problème-là, puis vous vivez des vies qui sont mélangées. Un petit peu de Harmonic Pilot, puis un petit peu de Manuel. Fait que d'avis, on s'en va de même, quand l'entend, ça va de même, Des fois, vous dites, ah, ça va bien aujourd'hui, c'est le Harmonic Pilot. Découpe pas. Quand tu es sur le pilote automatique, ça va toujours de même. Le temps de même. Ça ne peut pas aller de même. C'est pas... Là, grand. Aussitôt que tu vas mettre les mains sur le pilote manuel, c'est final, tu descends. Mais dans la réalisation de ça, dans la réalisation de vivre sur le pilote automatique, c'est évident qu'on ne peut pas arriver à cette réalisation-là, à moins qu'il est étudiant. Par exemple, tu n'as pas le choix de là, il coupe des bras. Mais quand tu es dans l'évolution vers ça, l'ego, naturellement, est vide. Les deux mains, c'est le manuel, puis il y a peur de le lâcher. Mais avec le temps, il lâche, puis il lâche, puis il lâche, puis il lâche, puis il lâche, puis il y a tout des mains, puis il fume sa petite cigarette, puis sa passion est allée au match de ça. Il est remettre dessus, exactement. Exactement. Parce qu'il va. Parce qu'il va. C'est exactement ça qui se passe dans nos vies. Exactement ce qui se passe. C'est dur de vivre. C'est très facile de vivre. C'est très facile de vivre, seulement c'est difficile de passer de l'existence à la vie. C'est la transition, le passage d'un plan à un autre qui est difficile. Oui, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour l'aider. Il faut attendre que tu décides qu'on est prêt, que nous nous prêtons. C'est l'autre qui les ajuste, nos vibrations. On ne peut pas les ajuster par soi-même. Ouais, comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que le gars qui est deux mains sur le manuel puisse développer le système d'un pilote automatique? Il n'est pas capable. Il n'est même pas capable de réaliser que c'est possible. Les gens vivent dans la peur constamment, constamment, qu'ils soient riches ou pauvres. Les gens vivent dans la peur de l'insécurité. Qu'est-ce qui arrive, c'est que on vit pendant des années de temps, là, pas là, tout une petite crotte quelque part. On n'est jamais... Moi, je dis que quand t'es conscient, tu peux pas être heureux de dépasser ça. T'es bien dans ta peau. Être bien dans sa peau, c'est la peau plus grand qu'il est heureux. Fait que les gens, eux autres, sont heureux le soir, puis la main, ils sont pas heureux. Ils sont heureux quand tu vas en vacances. Ils sont pas heureux quand ils reviennent de vacances. Il y en a qui sont heureux quand ils viennent de vacances. Ils sont heureux, ils sont bons. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont jamais toujours bien dans leur vie. La balloune en dedans n'est jamais pleine. Il y a toujours un petit peu d'air. Il y a toujours un petit peu d'inquiétude. Il y a toujours un petit peu d'anxiété. Si c'est pas la mort, c'est la maladie. Si c'est pas la maladie, c'est la maladie. Si c'est pas la maladie, c'est l'Hydro-Québec. Il y a tout où il perd la job. Il y a tout où le fiat tu le perds. Ou un accident sur l'autoroute. Il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur le maritime. C'est là qu'on a des accidents sur l'autoroute. C'est facile de vivre, mais c'est dur de penser. C'est facile de vivre, mais c'est... dur d'arrêter. C'est difficile d'arrêter. Mmh. Vivre, il n'y a rien de plus facile que vivre. Vivre, très facile. Mais exister, c'est bien tard. C'est une bataille constant. C'est toi que les gens se vivent. Moi, plus vieilli, plus vrai. Je vais montrer les photos, là. Je vais montrer les photos quand j'avais 29 ans, quand ils m'ont contacté. Ce qu'ils veulent nous dire d'enfant. Parce que là, vraiment, c'est eux autres. Ouais, quand tu es avec eux autres, c'est eux autres qui arrivent à cette bande. Pas toi, là. J'ai ici notre journée. C'est eux autres qui rentrent dans la journée. Oui, tu ne sais pas, après midi, tu vas écouter le pas des autres, le sable. Tu as toute la nuit de journée, comprends-tu? Là, ta belle-mère, elle vient de l'ouest, elle vient de mettre ta forme à la terre. Là, tu ne veux pas y faire de peine. Tu sais, on vit constamment le même. Si tu t'organises la vie, tu peux jamais réussir. T'en arrives, tu peux pas t'organiser. Parce que tu peux plus penser. Quand tu peux pas penser, tu peux pas t'organiser. Mais tant que tu penses, tu t'organises. Il y en a qui s'organisent. Il y en a qui ont des journées comme des vrais crossword puzzles. C'est ça que quand on pense. Oui, mais le truc, c'est de chasser les pensées de tête. Non. C'est d'essayer de chasser. Quand vous essayez de chasser vos pensées, vous perdez l'énergie. Vous les laissez passer vos pensées. Mais ça, moi, si je vous dis que vous êtes une grosse enlésée, vous laissez passer par-dessus votre tête. Mais si vous accrochez puis vous essayez de rationaliser si tu vrai que c'est une grosse en dessin ou si c'est pas vrai que c'est pas une grosse en dessin, là vous allez en perdre l'énergie. Tu connais, je vais découvrir. Tu connais, ou tout ce qu'il me dit, là, tu sais. Je vous dis la paix, puis là. Ouais? Je vais la gueule, là. Ah, tu vois qu'elle peut s'accrocher? Tu connais? Tu connais, la scène où. Avec tout le respect que j'avais votre personne, votre grosse personne. C'est pour ça que c'est fun parce qu'il y a une grande amitié avec nous autres. Fait que moi, ça me permet de vous parler d'une certaine façon. Sans ça, si je n'avais pas d'outils, je me sers de tous les outils que j'ai. Pour vous faire comprendre comment ça marche, les autres. Ils nous le font, moi ils me l'ont déjà fait. Moi dans la souffrance, puis ils me disaient, t'as maudite tête de cochon, on va t'en casser. Puis j'étais en souffrance. Je m'en ai fait. Éventuellement, ils l'ont fait. Ils ont fait le travail. Et là, s'ils disent, ma maudite, t'as maudite tête de cochon, on va t'appeler, ton égo, on va te mettre la terre, ben, tu fais tout ça. Tu commences à t'inquiéter que si tu vas faire, il va-tu donner un choc, puis vas-tu faire passer au Japon. Arrête. C'est ça. C'est comme ça qu'ils nous avaient. En tout cas, tu peux le passer. C'est pas grave. Il n'y a plus de matériel dans ta tête. Il n'y a plus. À ce moment-là, ils parlent, mais là, ils disent quelque chose comme ça. Mais la minute tu conscientises, tu l'as la tête de cochon. Elle commence à diminuer. Quand tu conscientises, ta tête de cochon change de couleur. Quand tu es inconscient, ta tête de cochon est liée à ton tempérament. Et bien ton caractère. Mais quand tu te conscientises, ta tête de cochon, elle provient de ta volonté. C'est ça. C'est la vérité. La minute que tu penses, t'es dans le trou. La minute que tu penses, tu te crées des problèmes. Qui sont probablement réels, parce qu'ils vont se produire, ou qui sont illusoires, parce qu'ils ne se produiront pas. Fait que tu sois problème. Fait que soit réel, ça n'a pas d'importance, ils vont se résoudre, puis ça, tu es illusoire, mais tu vas vivre, tu vas se faire problème. Parce que dans toute pensée que vous pensez, il y a une émotion. Là, toujours, toujours, il y a toujours une émotion dans votre pensée. C'est ça. Tout le temps, il y a une émotion. Sans ça, c'est la pensée créative, comme les mathématiques. C'est pour ça que c'est... Si c'est dans les mathématiques, il n'y a pas d'émotion dedans.